petite là bien, elle va chanter, la petite là-bas, avec sa robe noire. Elle va chanter ses grands amours, amours, toujours, ses trop tristes histoires. Elle va chanter ses grands bonheurs, ses grands malheurs et ses grands coups de cafard. Elle va chanter ses grands ciels bleus, ses merveilleux, c'est l'éternelle histoire. La dernière fois que je l'ai vue, je sais pas comment te le dire mon vieux. Moi j'étais tellement ému, j'avais des larmes pleines les yeux. Bien sûr, ça ne peut pas t'arriver. Je sais bien que pour toi, ça n'est pas très normal. Quand on vient voir quelqu'un chanter, non, non, y a pas de quoi. Pas de quoi s'en trouver mal. Mais qu'est-ce qui t'arrive, mon vieux? Ah, à toi aussi? Ben ça c'est pas banal. Non, je pouvais pas m'imaginer qu'à toi aussi elle puisse te faire mal. Écoute, elle revient, elle va chanter. La la la. La la la. Allez, vas-y, laisse-toi aller. La la la. La la. Oui, quand elle se met à chanter, c'est tout Paris. Quand elle se met à chialer, c'est tout Paname qu'elle fait chialer. Alors t'as vu, elle a chanté. La la la. La la. Et y'a plus rien à raconter. Chanter ses merveilles. Peut-être bien si Dieu le veut. Mon amour, ça durera toujours. Tu vois que ça fait du bien de chier.